suis pas de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde, mais je suis de ceux qui pensent et affirment qu'on peut détruire la misère. Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car, en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Loin d'être une allégeance à un quelconque référent littéraire, nous retenons du père Hugo, le meilleur de ce bourgeois éclairé, qui traversa son siècle en s'arrangeant avec son éducation monarchique, passant par les honneurs d'un pair de France, jusqu'à l'idéal républicain. Ce réformiste, témoin magistral des soubresauts civils et de la naissance du prolétariat, a su faire parler son époque. Messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir où elle en est, la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller? Jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Comment veut-on guérir le mal si l'on ne sonde pas les plaies? Les plaies ouvertes à la hache à l'église Saint-Bernard, les plaies périphériques entendues comme dommages, collatéraux, les stigmates de la honte, de Sangat à Cachan. Les mêmes cicatrices s'ouvrent encore puisque jamais refermées. Il y a l'idée, il y a la question et il y a les faits. Voici donc ces faits. Il y a dans Paris, je n'hésite pas à les citer, ces faits tristes mais nécessaires à révéler, je voudrais qu'ils éclatent au grand jour. Il y a dans Paris, il y a des rues, des maisons où des familles entières vivent pêle-mêle et n'ayant pour lit, pour vêtements que des chiffons infects ramassés dans le fumier des villes, où des créatures humaines s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voici d'autres. Ces jours derniers, un homme est mort de faim à la lettre. On a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Voulez-vous autre chose? Le mois passé, on a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes des charniers de Montfaucon. Eh bien, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute son intelligence et sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière. Je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, mais que ce sont des crimes. Je voudrais que cette assemblée n'eût qu'une seule âme pour marcher à ce grand but, l'abolition de la misère. Je ne m'adresse pas à votre générosité, je m'adresse à ce qu'il y a de plus sérieux dans le sentiment politique. Le sentiment politique ? J'accuse l'État, prétendu garant de faillir à ses devoirs. Et les plus fondamentaux même, quand ce ne serait que ceux instruits par la Déclaration des droits de l'homme stipulant que nous sommes tous égaux devant la loi. J'accuse cet état de fait dont la responsabilité revient à l'État. J'accuse la politique étatique de n'être que ce qu'elle est, une oligarchie politicarde à des années-lumière du sens politique du terme grec et dont la pratique serait au service de la cité. J'accuse le nationalisme érigé en front commun de pensée, de comportement et qui prône dans ses flatulences héro-ponctuelles l'exclusion, la discrimination, la manipulation, la domination, l'exploitation, l'effraction des consciences, l'infraction du droit social, économique, civil, pénal. J'accuse cette même oligarchie de nous contraindre à la pensée unique et télécrate par induction de planification culturelle, sociale, économique, historique. Comme je vous le disais, vous venez avec le concours de l'armée et de toutes les forces vives du pays, vous venez de raffermir l'État. Vous n'avez reculé devant aucun péril. Vous avez sauvé la société régulière, le gouvernement légal, les institutions, la paix publique. Vous avez fait une chose considérable. Eh bien, vous n'avez rien fait. J'insiste sur ce point. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui travaillent peuvent être sans pain, tant que ceux qui sont vieux peuvent être sans asile. Tant qu'on meurt de faim dans nos villes, tant qu'il n'y a pas de loi fraternelle, vous n'avez rien fait. Je le répète, en terminant, ce n'est pas à votre générosité que je m'adresse, c'est à votre sagesse, et je vous conjure d'y réfléchir. Faites maintenant des lois contre la misère. Invité récemment à un colloque de la Banque mondiale, dont le titre était « La pauvreté, une atteinte aux droits de l'homme ». J'affirme que, aujourd'hui, c'est la richesse qui est une menace pour les droits de l'homme. Les rapports de domination sont ainsi faits, et 1789 n'y a rien changé. De la monarchie à la bourgeoisie, seul le vocabulaire change. Héréditaire, la bourgeoisie se consacre aussi en bourse, tout comme l'aristocratie se faisait en cour. Que les cours soient monarchiques ou boursières, où est la différence pour nous et tous les autres, n'y ayant pas droit de cité? Qui n'en rêve de ces univers de facilité? Le loto, le gros lot, superbe d'abondance. Voilà qui réglerait tous les problèmes. La villa au bord de mer, le yacht à faire baver d'envie le voisinage, les serviteurs, les voitures, les usines, les terres, les biens, quoi. Français? Faut de la maille. Peut pas être français avec moins de 1000 euros par mois, vieux. Français? Faut de la place. Peut pas être français assis dans 40 mètres carrés. Français? Faut du temps, mec. C'est pas en courant entre l'usine, les acédiques et la NPE que tu peux te poser pour la France. On croit du nombre faire une identité. Un leurre, bien souvent. La misère est nécessairement et historiquement de classe. Loin de produire la fraternité, la misère produit de la misère et les dominants recrutent toujours parmi les classes inférieures pour réprimer les subversifs qui contestent leurs conditions.